traducción performativa de Domus Aurea, de Narceo Antino, Salon du Trône, Maison Royale. Se el nome tuo nel mondo tegna fronte, Dante, Métamorphose, Richard Strauss. Invocation, Les Buissons, fondée sur la roche de la sagesse, Stella Matutina, firmament où la lumière impose son hommage des salutations et d'offrandes. Tu habites les limites du temps, son pouvoir et sa louange, sa destruction, ses braises, son silence. Grand diaphane, incendie, hache de l'alliance, sommet sous menace. Les fleuves, tu indiques l'acclamation, les dards qui refluent, perçant le buisson de la mort, speculum sapientiae, rivière de l'olivier et du vent, espace et univers, lacérant la pierre et son battement, impérie un holocauste, souveraine désolation de l'eau et du désir, de la passion du feu et du cendre, porte céleste vers la mer éternelle du vivre. Hymne, l'héros, élevé sur l'air comme un arbre nu et puissant, tu t'arrêtes et tu écoutes la rumeur des heures, sa liturgie sacrée, les chants qui éveillent devant les visages des loves, touris et bournes, où les savoirs habitent comme si c'était le royaume d'une immolation, comme un exil de la connaissance, comme une énigme, sabre sonore, sommet de la puissance, les vents. Tu connais la menace où l'amour érige son étendard. Les coffres des lyres où les aigles boivent leur agonie. Abîme des solitudes enfouites. Et les sphinx où la nuit résonne, oracle et lucerne, roche lucide, épais sur la mer de ton cri, rugit et vient à la rescousse la lumière et son ivresse, les vols qu'à l'horizon s'élèvent comme une rose mythique. L'ombre, tu accueilles dans ton sang les voix de l'histoire, chez lesquelles l'homme dévoile son mystère. Ma stérile, dévorée, par l'image fugace de ta condamnation, miroir soumis au coup de lance, fleuve impuni de l'ombre qui s'arrête devant les calices du temps et son sort. Hirondelle clandestine, importée des domaines de tes cieux, nuit dénudée et sombre, hiérodule de la terre. Sirio, le feu sauve le rituel de la nuit, des clairs de lueur, tout comme les savants lauriers qu'incendient les espaces sereins, lumineux, courageux et fugitifs comme un cerf qui cherche les buissons dans sa fuite. Amant de la nuit, messager et espion. Rends-moi l'illumination du bronze de ton épée arabe. Éclaire et chante pour moi ta victoire. Vénus, navire céleste, cuivre, initiatique secret, ange du matin qui s'élève jusqu'au zénith des monts de l'Occident qui profane les algues anacédies, nées des vagues comme les nacres salin, atrium doré prophétie, lance dénudée, éclair comme la mer, érige de l'amour son esclavage et soit dominatrice du chaos où éclate la prison de ta lignée. Le feu, salamandre cautive du pouvoir du soufre que les vestales recèlent et propicient. Toi, tu couronnes les rituels sacrés et sa folie. L'or millénaire qui écrit le chemin de la mort, voile aveugle sur le visage des héros, monnaie de luxurie, rose mystique, épine divine, tour d'ivoire, incendie et salamandre de la mort, la plus douce. Les messagers, tout comme le jeune homme ailé qui attend la distance et succombe en donnant l'offrande de sa vie, comme le fleuve serein qui passe de tes lèvres et bat et s'extasie, comme l'astre qui éclaire la nuit, comme le métal blessé centaure qui lance la date et son alliance. L'oracle, j'écoute la parole et son obscur message. hymne des salutations et des laves. Sable incendiaire de la parole, écho et cendre, scorie de la cante, solitude de la roche. J'écoute la parole et son obscur bruit de vagues. Fuederis arca sedes sapiente. J'écoute la parole et son obscur silence. J'écoute du vide son lugubre. Sa lugubre rumeur, j'écoute la distance du désert. Estella, Orfeo, messager choisi et sentinelle, porteur de la lyre, harmonie du vent, du buisson et de la pierre, ennemi des envieux et de leur foule. La mort nous tient en éveil. Un arbre est un chant de salut, stigmate comme tout comme un fruit ou comme un trésor qu'on possède par la sagesse et le cœur éternel, calice d'ivresse ou diamant qui surveille. Et tu nous sauves, Eurydice, épiphanie de la mort, annonciation stérile de l'amour au crépuscule sans désir, porte terrestre vers l'abîme et son trouble des noirceurs nocturnes, les aigles de l'été. Empire désolé, albâtre et emblème, maison d'or, monnaie qui nous guide, oblation ou naufrage, fleuve maudit où les savoirs et fumées, poussière, rien, stella, ianua, turris, arca speculum umbrae.